Je veux parler de ce qui s'est passé à Saint-Jean-sur-Richelieu hier parce que je suis en train d'écrire là-dessus. Et je suis consterné. Tu sais, ça fait des années qu'on parle de l'islam radical. Toi aussi, je sais que tu as la même préoccupation que moi par rapport à ça. Et j'ai hier, honnêtement, là, moi, ça m'a frappé comme une tonne de briques. Je peux pas croire que un Québécois pur laine, là, un Martin Rouleau, se convertisse à l'islam radical puis commette des choses aussi dégueulasses que ce qu'on a vu hier à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ce matin, je vois des idiots utiles de la gauche là, qui disent faut faire attention, c'est pas un fou de Dieu, de l'islam, là, de Allah, c'est quelqu'un qui avait des problèmes mentaux, il faut pas accuser les musulmans, là, l'islam c'est une religion d'amour, d'ouverture, de tolérance. Là, je m'excuse, là, mais il va falloir un moment donné que nos amis musulmans, québécois et canadiens, se pose de sérieuses questions. Puis je sais que je vais me faire accuser là, d'islamophobie puis de racisme, tout ce que vous voulez là, mais un moment donné il faut se poser des vraies questions, puis c'est pas en faisant semblant que ça a aucun rapport avec cette religion là qu'on va régler le problème. La politique de l'autruche là, ça fait longtemps qu'on l'a fait, puis on voit que les résultats là sont désastreux, et moi j'ai peur que ça soit une traînée de poudre. Puis là ça se passe plus à 9000 km d'ici là. Non, c'est ça chez se nous, passe là. Plus par des néo-canadiens qui ont immigré ici, des immigrants de première génération là. Moi ce qui me fait peur, Éric, c'est que regarde, ça s'est passé à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Québec, on a une belle base militaire ici. Oui. On a des gars, des femmes qui travaillent ici. C'est sûr, à Valcartier. Moi, ça me fait peur parce que... C'est une cible, c'est sûr. Ils vont... Des Martin Couture Rouleau, là, des fuckés, là, des déchets, des débiles entre les deux oreilles, là, qui ont sûrement consommé beaucoup de drogue dans leur vie, là, il y en a pas juste un. Non. On est rempli de ça au Québec. Oui, on a j'ai l'impression que notre immigration si et voilà du nord si ça pète, si ça a pété ici au Québec, ça peut bien péter à Québec. Moi c'est ça qui m'inquiète, et ce qui m'inquiète le plus, puis tu vas voir, moi aussi je suis capable de faire du Éric Duhem, mais on va terminer avec c'est ça quoi? Éric. Non, je vais t'expliquer. J'ai encore deux trois choses à dire. Laisse-moi non, parler. Non. Ce qui m'inquiète le plus là-dedans, Éric, c'est que je vois j'ai pas vu de musulmans sortir encore. Mais non, c'est ça. Je les vois pas. Y a-t-il quelqu'un qui va me rassurer? Y a-t-il quelqu'un qui va sortir pour me dire qu'ils sont pas tous pareils? J'ai fait un appel sur les réseaux sociaux ce matin. J'ai fait un appel ce matin à Adil Sharkawi pour qu'il condamne ça. Évidemment, c'est un silence radio, à peu près comme c'est un silence depuis un mois que je l'écœure à peu près quotidiennement pour qu'il sorte puis qu'il dénonce l'État islamique. Là, ça se passe ici au Québec, et Adil Sharkawi est toujours invisible. Là, pour ceux qui savent pas, là, c'est le gars qui se réclamait du Québec inclusif il y a pas si longtemps. C'est-tu le gars qui, il y a de cela quelques années, avait un certificat de sécurité ou un bracelet de sécurité pour être sûr de savoir où il était? Parce qu'on doutait qu'il complotait pour faire exploser le métro de Montréal. Absolument. Puis qu'il a c'est été quand même blanchi. Mais c'est qu'on lui a donné sa citoyenneté il n'y a pas longtemps. Eh mais que lui, la charte veut rien savoir. Puis qu'il a jamais dénoncé les islamistes. Absolument. C'est lui, c'est ça. C'est ça qui est inquiétant. Et il faut arrêter aussi de penser là que ça se passe auprès des musulmans, c'est parce que c'est une population qui est plus pauvre que les autres. Là, au contraire, là, si on compare certaines régions d'Asie ou même l'Afrique noire, on voit que c'est une région qui économiquement s'en sort très bien. Puis comme, tu sais, tous les actes terroristes ne sont pas isolés. Là. Il faut à un moment donné qu'on fasse un lien entre chacun d'eux, et il faut qu'on se pose des vraies questions. Et la communauté arabo-musulmane, le monde arabo-musulman, c'est la dernière civilisation sur la Terre qui a pas goûté à la démocratie. Puis démocratie, c'est pas juste aller voter une fois aux quatre ans. Là. Ouais. C'est d'avoir une liberté de religion, d'avoir une certaine égalité homme-femme, d'avoir une liberté de la presse, puis de vivre dans une société où t'as pas peur de te faire tabasser à chaque fois que tu fais quelque chose que le régime ne tolère pas. Et malheureusement, ça n'existe pas. Puis j'espère qu'aujourd'hui, il y a des voix qui vont se lever. Puis on a vu qu'il y a eu un printemps arabe qui a été maté dans cette région-là du monde il y a pas si longtemps. Il va falloir qu'on écoute peut-être la nouvelle génération qui a soif de liberté. Il va falloir que la communauté arabo-musulmane, qui, elle, peut parler puis qui a pas à craindre la terreur d'un régime, là, elle peut sortir puis elle peut dénoncer les radicaux religieux puis l'extrémisme de sa communauté sans peur puis sans représailles. J'espère qu'aujourd'hui, elle va se lever puis elle va dénoncer ce qui se passe puis elle va dire on a un problème. Puis essayez pas de jouer les victimes, là. Ça serait la pire chose que vous pouvez faire. Il faut que vous leviez puis vous regardiez dans le miroir puis vous dites il est temps de transformer notre religion. On n'est pas adapté pour la modernité. Il faut moderniser nos façons de faire, notre façon de voir, puis notre relation avec la religion puis avec l'islam. Éric Duhem, tout à fait d'accord avec toi. Je te souhaite un bon voyage. Ben, merci beaucoup. Tu t'en vas en vacances dans ton pays préféré? Non, je m'en vais pas en vacances. Là, je m'en vais à Cuba, en Tunisie travailler parce que c'est l'élection justement le 26 octobre. Puis pour faire le lien avec ce qu'on vient de discuter, Carl, c'est justement ça. Moi, je suis dessus. J'ai même passé des années de ma vie vie dans cette région-là du monde, je crois qu'il faut la transformer. Sauf que nous, on peut aider, mais on peut pas le faire. Il va falloir que ça vienne d'eux-mêmes. Et je m'en vais là pour espérer que peut-être que la Tunisie fasse un petit pas au cours des prochains jours vers un monde un peu plus libre et un peu plus démocratique. Éric Duhem, je te souhaite un bon voyage. Merci d'avoir participé à mon premier show à Radio X Québec. C'est un plaisir, Carl, puis bon succès à toi, à Marie, à toute l'équipe. Merci, Mister.